Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, l'habitat intergénérationnel et plus précisément, comment étudiants et seniors peuvent jouer la carte de la complémentarité. Alors, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Et si plutôt que de prendre une chambre étudiante en ville ou une colocation, vous occupiez une chambre au domicile d'une personne retraitée? Eh bien, cet habitat intergénérationnel existe en France depuis le début des années 2000 à la faveur d'associations qui mettent en relation des étudiants et des personnes âgées. Mais ces initiatives restent encore trop confidentielles. Avec plus de 2 700 000 étudiants chaque rentrée et la pénurie de logements étudiants qui ne fait que s'accentuer avec pour conséquence des loyers élevés, l'habitat intergénérationnel peut être une solution. Décryptage donc du phénomène au cours de cette émission de l'Instant Éco. Et on va donc tenter d'être le plus clair possible avec donc deux invités, Madame Esbach Marine, chargée de communication donc de l'association Un Toit Deux Générations, et Sophie Recouvreux, étudiante en BTS Profession Immobilière, qui a mené justement une étude sur l'habitat intergénérationnel. Alors bonjour à toutes les deux, merci d'avoir accepté donc notre invitation, car votre témoignage va nous permettre de mieux comprendre comment justement s'organise l'habitat intergénérationnel. Alors Sophie Recouvreux, donc pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Vous êtes bien donc étudiante. Bonjour, alors effectivement je suis étudiante, j'ai terminé mes 2 années de BTS Profession Immobilière dans 2 agences sur Nancy en alternance, et je poursuis sur une licence professionnelle. Alors, vous avez donc mené une étude donc sur le logement étudiant. Pouvez-vous nous présenter en quelques chiffres donc le nombre d'étudiants en France, puis dans le Grand Est? Alors, en termes de chiffres, nous sommes à 2 725 000 étudiants inscrits en études supérieures en France. Plus de 208 000 étudiants sont regroupés dans le Grand Est, principalement concentrés sur Strasbourg, Metz et Nancy. Et on a une évolution de plus de 10% les 10 dernières années. Et nous avons pas moins de 47 000 étudiants sur Nancy. Oui, c'est important, hein, je crois que plus sur 100 000 habitants, hein, on a quasiment 50% d'étudiants. Alors, quelles sont les différentes alternatives qui s'offrent à eux pour se loger? Alors, bien évidemment, nous avons chez la famille en premier grand pôle, nous avons les résidences universitaires, le foyer des jeunes travailleurs, il y a la possibilité de colocation ainsi que les studios ou logements privés. Et nous avons la chambre chez l'habitant qui n'est pas suffisamment connue aujourd'hui. Donc les étudiants semblent avoir le choix, hein. Alors globalement, ils rencontrent des difficultés pour se loger. Alors pouvez-vous nous donner quelques explications? Alors dans le parc privé, on a des loyers qui sont bien élevés ou trop élevés pour certains étudiants. On a de nombreuses demandes à la même période du fait des résultats d'examen qui arrivent en même temps. Donc forcément, un logement ne peut recevoir qu'un seul dossier. Les propriétaires sont aussi plus sélectifs, également les agences immobilières. Et il faudrait appuyer aussi le fait qu'au Crous, auparavant, 35% se logeaient en résidence universitaire et aujourd'hui plus que 7%. Et le parc social demande bien trop d'attentes et nous avons peu de place pour les étudiants. C'est vrai que pour le parc social, hein, pour lequel effectivement le public des étudiants serait idéal, hein, on constate effectivement que le parc social représente une faible part. Alors, ça semble lié, je crois, à la taille des logements. Hein, ils ont davantage de logements de grande taille pour recevoir des familles et très peu pour recevoir des étudiants. Hein. Tout à fait. Alors le parc privé, c'est la principale source de logements disponibles. Alors les loyers, est-ce que vous avez une idée du prix au mètre carré en moyenne des loyers sur Nancy? À peu près, je crois que c'est autour de 12-13 euros. À peu près 12-13 euros, tout à fait, oui, par mètre carré. Après, tout dépend également du logement, comment il est présenté, au niveau des travaux effectués. Et puis de la localisation. Et de la localisation, tout à fait. Alors, donc, les loyers dans le parc privé, hein, parce que le parc privé, c'est la principale source de logements disponibles. Alors, quelles sont les principales aides dont peuvent prétendre les étudiants? Donc heureusement, les aides se développent de plus en plus. Nous avons en premier temps le dispositif VISALD qui est proposé par Action Logement. C'est un dispositif de l'État, donc il se porte garant gratuitement pour couvrir les loyers impayés et les dégradations locatives. Et de plus, ça facilite la location aux étudiants qu'auparavant. Et je crois que cette garantie, elle est gratuite pour le bailleur. Tout à fait, elle est totalement gratuite pour le locataire et pour le bailleur. Nous avons également l'avance Locapass, donc c'est un prêt à taux zéro accordé pour le locataire pour l'aider à financer son dépôt de garantie s'il n'a pas les frais de pouvoir le payer tout de suite en une fois. Avec, je crois, un étalement. Hein, tout à fait, un étalement de paiement donc à déterminer par rapport à la situation. Nous avons également les aides personnalisées dites APL. Donc le plus connu, c'est une aide financière destinée à réduire le montant du loyer. Et nous avons une aide récente, l'aide Mobili Jeune, qu'il ne faut pas hésiter à demander également par Action Logement. C'est un coup de pouce pour les apprentis et les alternants. C'est une subvention mensuelle qui participe au paiement du loyer pendant un an. Donc entre 10 et 100 euros maximum. Il ne faut vraiment pas hésiter à demander tous ces dispositifs quand on est éligible. Tout à fait. Voilà, après avoir montré les difficultés donc de se loger pour les étudiants, on va parler maintenant donc de l'habitat, justement, du principe de l'habitat intergénérationnel, en accueillant donc Esbak Marine, qui est chargée de communication de l'association Un Toit de Génération. Alors, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre association ? Bonjour à tous les deux. Alors, l'association Un Toit de Génération a été créée en 2008. On propose d'accompagner les seniors et les jeunes dans les démarches pour développer la cohabitation intergénérationnelle solidaire. L'association dispose de 3 bureaux à Metz, à Nancy et à Strasbourg. Nous proposons de nos services sur toute la région du Grand Est et nous avons pour partenaires à Nancy, notamment la métropole du Grand Nancy et la Maison de l'Habitat et du Développement Durable. L'association est membre du réseau Cohabilis, qui regroupe 38 structures qui développent des solutions d'habitat partagées sur toute la France. Alors, votre association, donc Un Toit de Génération, fait partie donc du groupe SOS Senior. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, l'association est hébergée par le groupe SOS Senior, qui est une association gestionnaire de maisons de retraite, de résidences autonomes et de résidences seniors. Notre engagement est l'innovation au service d'une prise en charge de qualité des seniors dans nos 100 établissements et au travers des services pour les seniors vivant à domicile, notamment Un Toit de Génération. Alors, revenons donc à l'habitat intergénérationnel. Alors, comment est né donc ce concept ? Alors, l'habitat intergénérationnel est né dans un souci d'isolement des seniors et face aux difficultés de trouver un logement pour les jeunes, comme l'évoquait Sophie. Effectivement, les seniors, beaucoup sont placés parfois en EHPAD, mais la majorité d'entre eux résident chez eux, malgré par exemple le décès de l'un des époux. Beaucoup disposent de chambres non occupées car les enfants sont partis ou sont grands, tout simplement. D'où la nécessité et l'interrogation, pourquoi ces chambres sont vides à l'heure actuelle et pourquoi ne pas en faire bénéficier un jeune ? Et ces solutions ont été créées du coup vers les années 2000 et sont encadrées juridiquement depuis 2018. Voilà, donc on va le voir tout à l'heure. Et c'est vrai que les sondages ont montré que les personnes âgées, donc à une très large majorité, souhaitent rester donc à domicile. Tout à fait. Alors, est-ce que cette formule concerne uniquement les étudiants ? Alors, cette formule concerne les jeunes de moins de 30 ans, étudiants, apprentis, stagiaires, les jeunes travailleurs qui, du coup, entrent dans l'insertion du milieu social et salarial. Nous pouvons aussi loger des jeunes qui font face à une reconversion professionnelle, à une mutation ou, par exemple, à un divorce. Donc, nos principales demandes sont des jeunes de moins de 30 ans, des étudiants, certains qui sortent tout simplement du bac ou du lycée, des apprentis qui sont en CAP, mais on a aussi des personnes qui ont plus de 30 ans, qui souffrent de solitude et qui sont à la recherche d'une solution logement économique. Mais dans l'instant éco, on a l'habitude de demander à notre invité ses coups de cœur musicaux. Alors Sophie Recouvreux, quel a été votre premier coup de cœur musical ? Alors ça a été Change de Fall & Wad. Donc c'est une musique qui m'évoque la solidarité, des enfants qui chantent en fond, la mélodie assemblée à le saxophone est plutôt sympa. Eh bien on retrouve tout de suite votre coup de cœur musical. Voilà, c'était Change de Fall and Wad. Donc, c'était le premier coup de cœur de notre invitée Sophie Recouvreux. Vous écoutez Fadjet. Oui, vous êtes bien donc sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission de l'Instant Éco donc Esbac, Marine et Sophie Recouvreux pour nous parler d'habitat intergénérationnel. Alors, dans la première partie de l'émission, on a planté le décor en présentant le marché du logement pour les étudiants, les difficultés de se loger, les principales aides financières. Nous avons donc commencé à élaborer donc la présentation donc de cet habitat intergénérationnel avec donc Esbac Marine qui représente donc un toit de génération. Eh bien, on va continuer donc la discussion avec vous. Alors, vous proposez aux jeunes intéressés plusieurs options possibles. Alors, pouvez-vous nous les présenter ? Alors, nous proposons une formule conviviale et solidaire correspondant à une balance entre les services demandés et les apports financiers qui sont demandés par les seniors. Donc la formule conviviale se présente sous cette forme. Le senior vous loge sans règlement de loyer, mais avec une petite participation aux charges du foyer, une veille passive et une présence allégée d'au moins 3 soirs par semaine et un week-end sur 2. Concernant la formule solidaire, le senior vous loge sans règlement de loyer en échange d'une présence régulière, rassurante et bienveillante à partir de 5 soirs par semaine et un week-end sur 2. Et donc je suppose que donc, les demandes sont très diversifiées, les loyers qui sont donc demandés par les personnes âgées également, tout dépend de la localisation. Hein. Tout à fait, donc comme je vous le disais, on travaille sur le secteur du Grand Est, on est sur les grandes villes, voilà, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, mais on peut avoir voilà, des demandes pour l'agglomération de Nancy à La Neuveville, sur Pulnoy, sur l'Axou, on a plusieurs cohabitations qui sont proposées actuellement dans ces villes notamment. Le profil des retraités, c'est un peu tout type de seniors si vous voulez. Certains sont domiciliés dans des maisons comme dans des appartements. Ils possèdent une ou plusieurs chambres meublées. C'est la condition pour faire de la cohabitation, c'est que la chambre doit être meublée et finalement le jeune doit juste venir avec ses valises et ne pas acheter voilà, un micro-ondes par exemple. Parfois ce sont des enfants des seniors qui nous contactent car ils sont à la recherche de solutions pour leurs parents souffrant de solitude et les enfants qui vivent tout simplement trop loin pour prendre suffisamment soin de leurs parents. Donc c'est un apport finalement à toute la famille. Alors comment rassurez-vous les seniors sur le sérieux du candidat ? Alors sur notre site internet, il y a un formulaire Forms qui est destiné aux jeunes et aux seniors que chacun doit remplir au préalable avant de nous rencontrer. Le formulaire que nous demandons aux candidats jeunes, il doit être rempli du coup directement. On demande des informations comme voilà l'identité de la personne, ses études, sa personnalité, ses motivations, ses revenus et pourquoi la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Et nous demandons également aux jeunes une photo de lui, voilà par exemple avec sa famille, ses animaux, une photo voilà qui donne envie aux seniors d'apprendre à connaître ce jeune et finalement un échange de confiance. Et on demande aussi une lettre de motivation aux jeunes où il se présente, où il montre voilà pourquoi il s'est investi, pourquoi il a envie de faire de la cohabitation. Et on envoie tout ce dossier aux seniors. Le senior reçoit ce dossier chez lui et peut voir finalement toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Et s'il est en accord avec le profil du jeune, il nous rappelle et on organise une rencontre. Très bien. Alors, généralement, une personne âgée a le choix entre plusieurs candidats ? Ça dépend. Du coup, vu que les jeunes nous indiquent également la localisation où ils souhaitent la cohabitation, parce que notre formulaire Forms, c'est relativement complet. Quand on l'imprime, il doit faire 5 pages recto verso, donc c'est relativement conséquent, mais c'est un besoin qui est nécessaire pour encadrer la structure, pour montrer notre professionnalisme aussi. Le senior, parfois, oui, on peut avoir une demande accrue, notamment comme à la rentrée ou à des périodes voilà, comme janvier où il y a des stages. Donc, s'il y a plusieurs demandes qui correspondent aux besoins du senior, on va lui envoyer plusieurs candidatures. Donc, il y a tout un travail qui est fait en interne aussi pour correspondre à la demande du jeune et à la demande du senior. Alors, la relation donc jeune-senior est encadrée donc juridiquement. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le contrat qui va lier justement les deux parties ? Alors, finalement, ça se présente comme un contrat de logement, comme un bail. Donc, c'est encadré légalement depuis la loi Elan qui régit les conditions d'accès et de pratique de la cohabitation intergénérationnelle. Donc, le contrat de cohabitation se fait entre le propriétaire ou le locataire, car à savoir, le senior peut être propriétaire comme locataire du logement. C'est encadré. Donc, il s'engage à sous-louer une part de son logement à un moins de 30 ans, un jeune de moins de 30 ans. Et le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. Voilà, en fait, tout simplement, ça doit être encadré juridiquement, c'est encadré juridiquement et le logement doit être meublé et c'est aussi déductible d'impôts pour les seniors, c'est important de le dire. Ah oui, c'est une bonne nouvelle pour eux. Alors, une fois que le contrat est signé, est-ce que vous accompagnez les deux parties? Est-ce que vous vérifiez, par exemple, que chacun respecte ses obligations? Alors, lors de la signature du contrat, déjà, on est présent. Il faut savoir que le contrat ne peut pas se signer obligatoirement tout de suite. Le jeune peut revenir rencontrer le senior afin d'améliorer la compatibilité, les relations et que chacun se sente bien. Donc, on vérifie que tout se passe bien en contactant le senior et le jeune au bout de 1 mois, 3 mois et en proposant des interviews pour montrer à nos partenaires les bienfaits de la cohabitation car nous avons un grand réseau. Donc, le but, c'est des interviews papier. On peut faire des newsletters, on montre un peu nos binômes, des reportages vidéo sous toutes les formes. Mais on reste disponible et joignable dès qu'il y a un souci. Et justement, lorsque vous avez une difficulté, avez-vous rencontré des situations où l'une des parties souhaite rompre le contrat avant l'échéance ? Alors oui, par exemple, le jeune qui ne souhaite pas poursuivre ses études dans cette ville ou qui a une opportunité peut demander à faire une rupture de contrat. Donc à savoir, il y a 1 mois de préavis donc, pour le jeune pour qu'il puisse partir tranquillement puisque c'est une location meublée. Le senior aussi, il peut trouver la présence du jeune qui est insuffisante et il souhaite donner sa chance à un jeune plus motivé pour partager des moments de convivialité, à savoir que le jeune peut ne pas être suffisamment motivé, ne pas apporter les besoins du senior. Par exemple, la présence ne peut pas être suffisamment remplie. Après, c'est un accord entre les seniors et le jeune. C'est comme une relation familiale, finalement. C'est prévenir quand on sort, prévenir quand on rentre. Donc, c'est toute une relation qui doit se créer. Et même si la compatibilité peut être présente parfois, c'est un peu comme un couple, comme une famille. Il peut y avoir des mésententes, mais le but, c'est de les régler et que tout se passe dans la convivialité. Voilà, la confiance va s'établir généralement dans la durée. Tout à fait. Alors, on va faire une deuxième pause musicale et on reprend dans quelques instants la suite donc de cette présentation de l'habitat intergénérationnel. Alors, Madame Mesbach, quel a été votre choix? Alors, j'ai choisi la musique titrée Young de Robin Schulz et John Floyd. Eh bien, très bien. On retrouve tout de suite votre coup de cœur donc, musical. I free my mind when there's no Voilà, c'était Robin Schulz, Young Right Now, qui était le deuxième coup de cœur musical donc de Esbach Marine. Vous écoutez Fadjet. Et oui, vous êtes bien sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission l'Instant Écho, et bien Esbach Marine et Sophie Recouvreux pour nous parler donc d'habitat intergénérationnel. Alors avant la deuxième pause musicale, on a développé le concept de cet habitat intergénérationnel qui connaît de plus en plus de succès. Alors justement, avec la pandémie du Covid et les mesures de distanciation sociale, est-ce que ça n'a pas empêché effectivement les retraités d'accueillir ces jeunes ? Alors tout à fait, mais le réseau Cohabilis qui accompagne les structures comme la nôtre nous ont donné des directives, des protocoles à suivre et à faire appliquer. Depuis, l'association a distribué des marques et du gel aux bénéficiaires. Les binômes deviennent une petite famille dans les moments difficiles, donc il y a de l'entraide qui se développe. Et les seniors ayant souffert de cette pandémie, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, se sont intéressés à la cohabitation intergénérationnelle puisqu'ils se sentaient véritablement seuls, encore plus dans cette période. Alors justement, les confinements ont eu un impact si négatif sur les personnes seules, en les privant donc de tout contact social, que la crise a été pour certains un déclencheur pour contacter justement une association comme la vôtre. Alors n'avez-vous pas constaté une hausse du nombre de contacts par les retraités depuis la fin du confinement ? Alors effectivement, nous avons noté une nette amélioration car nous avons amélioré la communication durant la pandémie, puis après, dès septembre d'ailleurs, puisque les seniors étaient vivement affectés par la pandémie. Donc les demandes se sont accrues et une prospection a été réalisée auprès des mairies du Grand Est, ce qui a accentué la demande et a accentué la connaissance de ce dispositif qui est encore trop méconnu actuellement. Donc, d'où l'intérêt de faire cette émission. Tout à fait. Alors, justement, alors comment fonctionne votre association ? Quelles sont ses principales ressources ? Alors, au titre salarié, nous sommes deux. Donc, il y a mon responsable, M. Monferrato Saverio, et il y a moi-même qui m'occupe de la communication et du développement. Concernant les ressources, nous avons les subventions de nos partenaires, donc parfois de Ville, de la métropole du Grand Nancy, de l'Eurométropole de Strasbourg, de Jarville, du Grand Verdun. Nous avons également l'organisation d'activités pour faire connaître l'association. Les subventions aussi ne rentrent pas dans le cadre où nous avons des cotisations des seniors et des jeunes lors de la signature d'un contrat. Donc voilà, c'est plus la subvention de nos partenaires comme l'ARS Grand Est. Très bien. Alors, l'habitat intergénérationnel s'inscrit tout à fait dans ce qu'on appelle une logique dite RSE, responsabilité donc sociale et environnementale. Alors Sophie Recouvreux, pouvez-vous nous résumer quel est l'intérêt pour chaque partie dans cette logique dite RSE ? Nous sommes complètement au cœur du développement durable. Pour les personnes âgées comme pour les étudiants, les avantages sont nombreux. Nous avons des avantages économiques, une économie de loyer pour l'étudiant, un complément de revenu pour les personnes âgées. Et souvent, les établissements sont coûteux pour les personnes âgées. Nous avons également des avantages environnementaux, donc une optimisation des espaces, un partage des consommations énergétiques. Et donc, forcément, on réduit son impact sur l'environnement. Et nous avons bien sûr des avantages sociaux, une solution de logement qui apporte une belle expérience, une atmosphère familiale. Et cela permet de lutter contre la solitude, que ce soit pour le jeune ou pour la personne âgée. C'est également rassurant pour les familles. Donc voilà, beaucoup d'avantages donc, de cet habitat intergénérationnel. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser donc, une étude sur ce sujet ? Alors avant de faire cette étude, je ne connaissais pas du tout le principe. J'ai pu rencontrer du coup l'association, M. Monferrato et donc Marine. Et le fonctionnement m'a vraiment interpellée et on n'en parle pas suffisamment, d'où le fait d'en parler aujourd'hui. Et de nombreux avantages s'offrent pour la personne âgée ainsi que pour les étudiants. Alors je vais revenir à vous, Marine Esbach. Depuis la création de votre association, combien de contrats ont été mis en place ? Plus de 400 contrats ont été signés et en 2021, on a eu 80 contrats signés. Alors donc, est-ce que vous avez fait évoluer votre offre dans une logique d'amélioration continue depuis la création de votre association ? Alors effectivement, on s'est adapté aussi aux changements environnementaux, notamment voilà, il y a tout ce qui a à prendre en compte l'augmentation du gaz qui entre en compte aussi dans les loyers. Donc c'est une adaptation en fait entre le senior et le jeune. Finalement, un senior peut proposer une cohabitation à 200 € et lorsque la rencontre se fait avec le jeune, c'est un petit peu le coup de cœur. Il peut y avoir une très bonne entente et une diminution du loyer. Des partages et j'ai d'ailleurs des seniors des fois qui retrouvent les jeunes logés qu'ils ont pu loger bien des années après, qui sont invités à leur cérémonie d'études, leur remise de diplôme. Donc c'est vraiment une création d'échange et c'est ce qu'on essaie de transmettre aussi au regard de nos cohabitations, c'est ce partage et cette création de liens qui se fait. Voilà, c'est ce principe-là du lien, du partage, hein, vraiment, tout à fait. qui est la base de cet habitat intergénérationnel. Alors, si nos auditeurs sont intéressés, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les démarches engagées pour un étudiant, un jeune salarié, un alternant qui souhaiterait donc opter pour donc cet habitat intergénérationnel au sein de votre association? Alors, nous disposons d'un site internet, untoitdegeneration.fr. Vous pouvez aussi nous contacter par mail, contact@untoitdegeneration.fr. Donc, nous avons 3 bureaux, notamment à Metz, donc au 47 rue Haute-Seille, qui est localisé donc au groupe SOS Senior. Et à Nancy, vous pouvez nous retrouver à la Maison de l'Habitat et du Développement Durable, au 22-24 Viaduc Kennedy, à l'Esplanade Philippe Seguin. Donc, vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet. On est également du coup sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et également LinkedIn. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous de m'avoir reçu. Voilà, merci d'avoir accepté donc notre invitation. Je pense que pour nos auditeurs, eh bien, aujourd'hui, donc, l'habitat intergénérationnel, c'est beaucoup plus clair. Hein. Voilà, donc, n'hésitez pas donc à faire donc vos commentaires donc sur la page Facebook de Radio Fadjet, de nous faire part des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir développés dans cette émission. Et puis, d'ici là, eh bien, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.